and gentlemen, this is Jamino, the famous rapper. Here for make you grooving, yeah. Here for make you dancing. Oh, you want the rap for sex? You ready? Give it up, man. Yo, careful. Yes, ça y est, je reprends la balle au vol. Germinal, Rastan, chacun un tour de rôle. On va faire le maximum pour faire bouger la place. Des bonnes basses au plexus qui font grover la masse. Système D, on pose les bases du rap, débrouille. Méloman, mélomaniaque, on parle de rap qui se mouille. Harry Jim, reggae, c'est pour le côté roots. Moi je compte avec Elogé pour les sons qui déroutent. Le Mike Brown du rap, chez nos coups pour flamber. Comme B2 OBA, j'ai une plume à ce qui paraît. Je suis pas artiste maudit, j'ai commencé dans les cages. Écoute mon rap message, c'est du rap reporté. Mon texte comme un fourre-tout, je m'emploie à perfectionner. Je me souviens de sombres jours où tout a basculé. 9-4-2000, j'ai tout pris dans le mille. Je crois que c'est à toi l'ami, hey ou à la famille. Germinal Rastan, on est yes I. Quand on se pose, ouais, on est yes I. La street s'exprime, on fout le why. Kiff kiff, c'est un son de bandit. Faut que tu bouges ton body, ça pèse, on est yes I. Quand on se pose, ouais, on est yes I. La street s'exprime, on fout le why. Kiff kiff, c'est un son de bandit. Faut que tu bouges ton body. Ça booste, hein. J't'assure, c'est pas fini. Ouvre bien grand tout ce que t'as et sois sensible à mon récit. Je me plonge enfin dans ces années où j'ai pas fait tout comme il faut. J'aurais dû choper un mic à la sortie du berceau. J'rappe pour les petits frangins, les chétanes, les gamins. Pas plus haut que trois pommes. Moi j'kiffe les mômes cousins comme mes frères pendant le ramadan. Moi j'ai choisi de rapper à jeun avec la dalle au ventre. On a la rage dans le coin. J'suis pas de retour puisque j'arrive, nouveau venu dans la cohue. Tout va bien, mon frère. Toujours au top comme convenu. J'me dénaille en or massif pour chausser mes pieds. Qu'est-ce que tu crois, j'suis rappeur. Faut bien un peu se la jouer. J'en place une spécial pour les harbis, les latinos, mes compagnons de galère, depuis que je suis tout gosse, sans oublier le quartier, ouais, la maison mère, je préside face école et abolisse les frontières. Germinal Rastan, on est yes I. Quand on se pose, boy, on est yes I. La street s'exprime, on fout le why. Kiff kiff, c'est un son de bandit. Faut que tu bouges ton body, ça pèse, on est yes I. Quand on se pose, boy, on est yes I. La street s'exprime, on fout le why. Kiff kiff, c'est un son de bandit. Faut que tu bouges. Allez, un os, les gars, qu'est-ce qu'il y a? Le boss c'est là, j'enchaîne à ma manière. Et pour ça, je me pose là. Ça me rassure de voir encore des gens foutre le bordel. Ils ont pas fait nous des robots, voilà une bonne nouvelle. Le travail.